Voici un commentaire de l'Agence télégraphique centrale de Corée qu'il sache correctement la nature de la situation dans la péninsule coréenne. En voici le résumé. Le 27 juin, après l'entretien avec Abe à Tokyo, le premier ministre tchèque a dit à la conférence de presse que les nucléaires et tests de missiles de la Corée du Nord aggravent la tension, que la Corée du Sud, le Japon et autres pays en souffrent de la menace et que la communauté internationale doit exercer la pression continue sur la Corée du Nord. Si l'information de ces paroles est vraie, cela montre que le premier ministre tchèque ne sait pas l'essence de la situation dans la péninsule coréenne ou qu'il y ferme les yeux intentionnellement. En fait, le foyer de l'aggravation de la tension dans la péninsule coréenne est dû à la politique d'hostilité des Américains à l'égard de la République populaire démocratique de Corée, datant des dizaines d'années, et à ses expressions directes, soit leur chantage nucléaire et menaces militaires contre notre pays. Abandonner le droit à l'autodéfense, contraint et forcé par le diktat des puissances, et se laisser subordonner, cela amène à des catastrophes irrémédiables. Voilà la leçon historique que la Tchèque avait aussi expérimentée. Ces paroles, quoi qu'elles soient issues de l'ignorance de la nature de la situation de la péninsule coréenne ou du préjugé, ne résulteront que la ressuscitation du militarisme du Japon criminel et l'empirement de la situation régionale. Si les pays européens, la Tchèque en premier lieu, s'intéressent vraiment à la détente dans la péninsule coréenne, il est préférable qu'ils réclament avant tout aux États-Unis, auteurs de la tension, l'abandon de leur politique d'hostilité envers la Corée.